Chapitre 10e. Quelques personnes s'étaient attroupées autour d'un gros cyprès au bord de la route. Par bonheur, les gens déjà présents cachaient la scène et évitaient ainsi de nouveaux curieux. Le jeune homme qui avait découvert Josie l'avait allongé dans l'herbe maigre, pensant ainsi que la fille reposerait plus commodément. « Bizarre, se dit Volpi, comme les gens ont de ces attentions touchantes et vaines, puisque le mort ne ressent rien. » Attention qui ne servent qu'à repousser le caractère macabre de certaines situations, en tentant à tout prix de les normaliser. Volpi voyait une preuve de respect, voire d'amour, pour son prochain. Aimez-vous les uns les autres, et tant pis si cela est logiquement inutile. Le fait que le corps ait été déplacé n'avait pas grande importance. Il était impossible de relever une quelconque empreinte. Impuissant, les bras ballants, les deux compères contemplaient le corps de Josie. Il semblait bien, encore une fois, que l'on ait affaire à un sinistre avatar, vu la ressemblance de la fille avec Brigitte Bardot. La proximité, l'aspect physique du corps, tout faisait penser à une nouvelle mise en scène du maquilleur fou, qualificatif qui venait de s'imposer au cerveau de Volpi. Bien évidemment, le parquet avait été prévenu, mais Volpi et Michaud n'avaient pas besoin qu'on leur dise quoi que ce fût pour comprendre qu'encore une fois, ils allaient être chargés de l'enquête. Point n'était besoin du docteur Charles pour établir un modus operandi. Volpi inspecta minutieusement les poils droites de Josie et eut la satisfaction, tout intellectuelle, d'y déceler un petit trou de piqûre. À la limite, il aurait préféré ne rien trouver. Le jeune homme qui avait fait la triste découverte fut interrogé. Il était ouvrier au domaine viticole du Seuil et avait remarqué Josie en se rendant à son travail sur sa mobilette. Habitant au pont de l'Arc, de l'autre côté d'Aix, il n'avait jamais rencontré la victime. Il avait bien trouvé bizarre qu'une aussi jolie fille s'asseye comme ça au bord de la route. C'était peut-être une pute, pensa-t-il, mais il est rare d'en voir le matin de bonne heure. Il avait tout de suite compris quand il avait pris la main de la fille. Elle était froide comme un caillou, dit-il. Regardant au loin pour réfléchir, Michaud avisa une femme marchant à grands pas au bord de la route. Il reconnut Madame Mazel qui se dandinait sur ses charentaises, sa blouse à fleurs au vent. Sa maison n'était qu'à un peu plus d'une centaine de mètres et il avait dû entendre la sirène des secours. Apercevant l'attroupement, elle accéléra l'allure. « Oh putain, Gino, la tente s'amène, ça va faire du vilain !» Volpi se précipita vers la femme avant qu'elle n'arrive aussi près. « Ça y est, vous l'avez trouvée, hein? Qu'est-ce qu'elle a ?» Puis, sans que Volpi ait parlé, elle eut l'intuition du sort de sa nièce et fondit en larmes en flageolant sur ses jambes. Elle se reprit pourtant et obligea Volpi à aller de l'avant. « Je m'en doutais, » murmura-t-elle, comme la petite Marie. « Vous allez l'arrêter, commissaire, dites. Vous attendez qu'il y en ait une troisième ?»« Non, Volpi n'attendrait pas. Il fallait absolument se remuer vite fait. » D'ailleurs, Michaud lui annonça que Cassard avait téléphoné et qu'il ne voulait même pas parler à Volpi. « Dites-lui que le proc m'a remonté les bretelles, » avait dit Cassard. « Pas besoin d'un dessin. Je vous aime bien tous les deux, mais je vous préviens que ça va barder pour votre matricule si vous ne trouvez pas vite fait quelque chose à se mettre sous la dent. » Alors, ces huîtres, Gino? Arrête! J'ai le moral dans les chaussettes. On prend un sandwich au Cintra avec une bière emportée et on va chez moi se reposer un peu. Juste le temps de faire un break. Ça te va? C'est toi le patron. Après avoir avalé leur sandwich en silence, les deux compères décidèrent de se radasser un moment avant de repartir au charbon. Se radasser, c'est s'allonger sans rien faire. Il fallait juste ne pas s'endormir, sinon le moment se serait transformé en pénéquet. En sieste, et les deux flics n'en avaient pas le temps. Michaud fit sauter ses godasses et s'étendit sur le sofa, les mains derrière la tête, pendant que Volpi s'allongeait sur son lit dans sa chambre contiguë au salon. L'appartement n'étant pas grand, les deux hommes pouvaient s'entendre parler sans problème. Les yeux au plafond, Michaud demanda. « Gino, tu crois en Dieu ?»« Sois clair, Serge. Tu me demandes si je pense que Dieu existe ou tu veux savoir si j'ai la foi. C'est pareil, non ?»« Ah non !» Tu peux raisonnablement croire qu'une entité supérieure existe, mais tu n'es pas obligé de te fier à elle pour diriger tous les actes de ta vie. Se fier a la même racine que le mot foi. Je sais, professeur, j'ai fait du latin moi aussi, mais tu ne réponds pas à ma question. Je la formule autrement. Tu penses qu'il est normal que des hommes portent le mal en eux, qu'il est normal que des gamines meurent, que... Basta ! Le coup à Volpi. En fait, tu me demandes pourquoi Dieu tolère-t-il tout cela s'il existe ? Ouais. Mais tout ce qui arrive n'est pas l'affaire de Dieu, c'est celle des hommes. Chacun libre de conduire sa vie comme il l'entend. Et c'est toi qui dis ça, avec tout ce que tu as subi. Justement, j'y ai réfléchi. Tu t'imagines que quelqu'un là-haut a tout écrit d'avance et que tout se déroule selon ses volontés, mais pas du tout. Tout ce qui nous arrive est la faute des hommes. Et Dieu alors, puisque tu y crois? Dieu sert à te donner des conseils et du réconfort quand on le lui demande. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Maugréa Michaud. Allez-vous, fit Volpi en se levant. On y retourne. Dieu de Serge, si tu nous entends, inspire-nous. Quand ils arrivèrent au commissariat, une certaine effervescence régnait dans les couloirs. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Volpi au poste d'entrée. C'est l'Antoine. Il vous cherche dans tous les couloirs. Il demande partout après vous, et quand il déplace sa carcasse, ça fait du courant d'air. Il faut préciser que l'Antoine mesurait plus d'1m90 avec une largeur proportionnelle à la taille. Ancien rugbyman, force est de reconnaître qu'effectivement il déplaçait de l'air. Pourtant, dans le quotidien, c'était l'homme le plus doux de la terre. Dès qu'il entendit la porte du bureau de Volpi se refermer, l'Antoine bondit dans le couloir. Il ouvrit la porte et ne frappa qu'une fois entré. « Oh, l'Antoine, qu'est-ce pas ça ?»« Tu es plus pressé qu'un lavement. J'ai du nouveau commissaire. Et du bon, fantastique. » Bon, c'est toi que tu me donnes des complexes. L'Antoine se laissa tomber dans un fauteuil qui gémit sous son poids. Fébrilement, il expliqua qu'il s'était arrêté au garage Citroën de la Coquillade pour faire de l'essence. À tout hasard, il demanda au garagiste s'il connaissait un dénommé Valentin, un type un peu voyant, précisa-t-il. L'autre réfléchit mais ne sembla trouver personne dans sa mémoire. Il a une déesse grise, continua l'Antoine. Ah! Finit par s'exclamer le garagiste. « C'est la déesse Fadad, c'est ça ?»« Ben oui, peut-être, » balbutia l'Antoine. « Mais pourquoi Fadad ?» L'autre partit d'un grand éclat de rire et lui expliqua d'où provenait sa gaieté. « On a dit Fadad parce que quand on met les clignotants, c'est les veilleuses qui fonctionnent et inversement. La nuit, c'est les clignotants qui s'éclairent sur le toit à la place des veilleuses. »« Et alors, ça ne m'a pas l'air bien grave ?»« Et si ?» Parce que les veilleuses, normalement, elles sont au bord du véhicule pour repérer son empattement. Regardez sur celle-là. Et le garagiste lui montra une déesse garée en face. Effectivement, mais l'Antoine le savait, les clignotants étaient au-dessus des portières arrière au bord du pavillon. Vous voyez, dit le garagiste, c'est là, en haut, que ça doit clignoter, à la hauteur des yeux de celui qui suit la bagnole, et pas en bas des ailes. Eh ben, la déesse Fadad, elle a tout à l'envers. Mais comment ça peut arriver? Il y a eu un court jus dans le tableau de bord et le type qui lui a réparé la panne a inversé les fils dans le commodo. Ce n'est pas bien long de remettre les contacts dans l'ordre, mais le gars n'a pas voulu. Il m'a dit que comme ça, sa voiture était originale. C'est lui l'original, oui. L'Antoine avait aisément compris que l'effet de position de cette voiture était sur le toit au lieu de baliser les ailes arrière, comme prévu par le code de la route du moment. Et aussitôt, il fit le rapprochement avec le témoignage du client anglais du roi René. Le garagiste demanda s'il n'avait pas eu affaire à un fou, tellement l'Antoine s'excita après ses découvertes. « Ça y est, » dit-il à Volpi, « on le tient notre suspect. »« Tu l'as dit, Bouffi. »« Bon, Michaud, mets-toi deux gars au basque du Valentin. »« Mais discretos, hein ?»« Je veux son emploi du temps complet, minute par minute. »« Et puis, quand on l'aura logé un peu mieux, on réquisitionnera sa bagnole pour la montrer à l'anglais. » Au fait, assure-toi qu'il n'est pas rentré dans la perfide Albion, celui-là. Dans la foulée, Volpi téléphona au juge pour expliquer la révélation de l'Antoine. Ça bouge, Volpi, ça bouge. Vous voyez, il ne fallait pas désespérer. En raccrochant, Volpi se tourna vers l'Antoine avec un grand sourire. L'Antoine, le juge te fait une grosse bise. Alors les gars, on va les manger, ces huîtres? L'Antoine se mit aussitôt à baver car il ne fallait pas lui en promettre. Je viens aussi, commissaire? Demanda-t-il plein d'espoir. « Et comment que tu viens ? C'est pour fêter ta découverte qu'on va s'en jeter derrière la cravate. » Ils s'attablèrent au lait des et commandèrent à l'écaillé voisin associé avec le café. Dès que le plateau fut devant eux, chacun épuisa selon la vitesse à laquelle il engloutissait les coquillages. À ce jeu, l'Antoine avait déjà plusieurs longueurs d'avance. « Oh, Goinfras, mange un peu de pain entre les huîtres, qu'il va te falloir la bourriche entière. » L'Antoine mangeait sans interruption, sans boire, au contraire des deux autres qui arrosaient presque chaque bouchée d'un coup de blanc de Château-Viran. « Thé, » dit Volpi, « mange un peu les violets. » J'en ai demandé rien que pour toi. C'est gentil, répondit l'Antoine, la bouche pleine, et de l'ongle du pouce il décolla le coquillage fortement iodé de sa coquille. Celui-là, il vaut mieux l'habiller que le nourrir, murmura Volpi. Oh, Serge, Molosso le Blanc, qu'il te faut après rentrer en rogne. Moi, je n'ai que le cours à descendre. Je devrais y arriver. Anatole Bienvenu triait des pansements dans le bureau des infirmières du bloc opératoire. Il était 4 heures du matin et le service était silencieux et désert. Ses mains d'ébène contrastaient avec la blancheur du tissu et à chaque fois, Anatole ne pouvait s'empêcher de remarquer que vraiment il était bien noir. Le néon donnait même des reflets bleutés à sa peau. Dans la pénombre, les gens avaient quelquefois l'impression que sa blouse se déplaçait seule. Il se retenait pour ne pas crier au fantôme. Mais bon, Anatole était habitué et ne s'offusquait plus. Ça le faisait même rire et l'éclat de ses dents indiquait qu'il y avait bien une tête au-dessus de la blouse, ce qui augmentait la frayeur des patients. Soudain, il sentit une présence dans la pièce, alors qu'il n'avait entendu aucun bruit. « Putain, mais qu'est-ce que tu fous, là ?» me dit-il. « Ça va pas de venir ici, on pourrait te voir. Bien alors, je m'en fous. » Je posai brutalement sur la table le dernier flacon que m'avait donné Anatole. « Tu peux me dire ce que c'est que ce truc ?» demandai-je d'un ton sec. Anatole prit le flacon et regarda l'étiquette. « C'est moi qui t'ai donné ça. »« Qui veux-tu que ce soit, connard ?»« Alors, qu'est-ce que c'est ?»« C'est de l'anesthésique. » « C'est bien ce que tu m'avais demandé, non ?» De colère, je tapais sur la table. « Mais pas un truc comme ça demeuré. Ça, c'est à base de curare, tu as lu l'étiquette. Je l'ai utilisé 2 fois, et les 2 filles sont mortes, pauvre con. »« Comment ? Tu l'as utilisé comme ça, tu les as piquées, et c'est tout. » Devant mon silence inquiétant, Anatole s'énerva. « Mais ça ne s'utilise pas tout seul, malade que tu es. Il faut une assistance respiratoire, sinon les gens meurent. » Et tu me l'avais dit qu'il fallait cette assistance respiratoire, pauvre tâche. Écoute, tu m'emmerdes maintenant. Tu m'as demandé un anesthésique, je te l'ai donné. Je ne pensais pas que c'est toi qui allais l'utiliser. Allez, dégage. Je ne tiens pas ce qu'on me trouve ici. Brusquement, j'en serrai le coude d'Anatole de ma main gauche, habitué aux travaux de force et de précision. De la droite, je sortis de ma poche une seringue déjà prête et piquai sans ménagement Anatole au bras. Lorsque je sentis les muscles du cou de ma victime mollir sous ma main, je lâchai l'infirmier qui s'effondra sur la table, le nez dans les pansements. Je jetai la seringue à la poubelle et disparus silencieusement dans le couloir. Sortant d'une chambre, une infirmière dira plus tard avoir vu partir une silhouette en salopette avec une grosse casquette sur la tête. Volpi n'arriva pas à déterminer si sa mauvaise nuit était due aux huîtres ou au château Viran. Peut-être bien les deux. Toujours est-il que ce fut avec une barre sous la nuque et un caillou dans le front qu'il franchit la porte du commissariat en cette belle matinée de juillet. Il comptait ne pas bouger du bureau et attendre que les résultats tombent et que son mal de crâne passe. Michaud ne valait pas mieux que Volpi, mais l'Antoine était dans une forme qui offusqua grandement ses 2 supérieurs. Volpi venait à peine de s'asseoir avec précaution pour éviter de secouer son encéphale endolori que la première contrariété de la journée se présenta. Un tracassin avait gentiment ouvert le méridional sur son bureau à la page d'Aix. On ne pouvait manquer le titre en caractère suffisamment grand. 2 jeunes filles assassinées par empoisonnement sur le plateau de Puy-Ricard. Et en sous-titre, serait-ce le crime d'un pervers sexuel? Eh bien voilà. La vérité finit toujours par éclater. Putain de plumitif. À la lecture de l'article, Volpi vit bien que le journaliste était bien renseigné quant au modus operandi du tueur. Les fuites ne pouvaient venir que du parquet ou du commissariat. Il y en avait qui étaient prêts à vendre leur mère pour un coup à boire. Dieu le Père allait encore sonner les cloches et pas celle de Pâques. Un bonheur ne venant jamais seul, le téléphone résonna jusque dans le cerveau de Volpi. Allô ? Bonjour, docteur. C'était le chef de service de réanimation de l'hôpital qui venait lui faire part des soupçons qu'il avait nourris après la lecture de l'article du journal. En fin de nuit, un peu avant 5 heures, une infirmière avait découvert le corps inanimé d'un de ses collègues effondré sur une table. Charité bien ordonnée commençant par les siens, tout le service avait été sur le pont pour tenter de sauver l'infirmier d'origine sénégalaise. Il était encore dans le coma et le pronostic de séquelles cérébrales graves était indiscutable. L'homme ne serait désormais qu'un légume, son cerveau n'ayant pas été irrigué pendant trop longtemps. Le rapport avec l'article, docteur ? « J'y viens. nous avons trouvé dans le sang des traces d'anesthésique. Apparemment le même que celui administré aux filles. Une fiole de ce produit était sur la table et nous avons trouvé une seringue dans la corbeille à papier. Or, ce produit provient de la pharmacie de l'hôpital. Alors, soit l'homme s'est suicidé, soit il a été agressé. Je pencherai plutôt pour le suicide. Le gars s'est donné la mort en se repentant de ses crimes. Oh, doucement, docteur. Chacun son métier. Ne marchez pas sur mes plates-bandes. Je vous arrête tout de suite. L'homme aurait donc pu se piquer, aller jeter la seringue, puis revenir pour s'effondrer gentiment sur la table. Ça ne colle pas. Vous avez gardé précieusement la seringue et le flacon, j'espère. Nous y trouverons peut-être les empreintes de son assassin. Les pièces à conviction sont sous clé. Je les tiens à votre disposition. Pourriez-vous contacter le docteur Charles, le légiste? Il serait bon que vous compariez vos analyses respectives. Dans le fond, réfléchit Volpi, les journaleux ont quelquefois du bon. Sans cet article, on passe à côté d'une piste de taille. Mais quel raciste, Toubib! Et pourquoi me préciser que le type est sénégalais? Je m'en tape. Il téléphona immédiatement au juge Lassa pour lui annoncer cette bonne nouvelle et lui demander des commissions rogatoires pour le domicile et la voiture de Valentin le Merlan. Il fallait frapper vite, fort, et se battre sur plusieurs fronts. Volpi adorait. Du coup, son cerveau avait repris son cours normal de fonctionnement.